Voici votre bulletin régional. Au Centre culturel de Whedon, le 7 février à 20h, on pourra voir l'auteur-compositrice-interprète Andrianne A. Mallette, une artiste issue de la cuvée 2012 de Star Academy. Le 7 février, au terrain de la patinoire de Sayreville, se tiendra le carnaval de Sayreville. À l'horaire, tournoi de hockey éponge, glissade, patinage libre, raquette au flambeau, premier départ à 18h, et feu de joie. On trouvera une cantine sur place. L'humoriste Dominique Paquette se produira à la salle Guy Veilleux de Crookshire le 8 février à 15h. Réservation à loisircrookshire@hotmail.com ou au 819-875-5681. Le 12 février, de 9h à midi, à la vallée heureuse du Mont-Élan, 229 chemin Gosford Est, Westbury, il y aura une rencontre, animée par Mme Lisa Leblanc, du groupe Stratège, concernant l'image de la région du Haut-Saint-François. La rencontre sera suivie d'un lunch 3 services. Inscription, $15 auprès de la SADC, au 819-832-2447, avant le 9 février. Des cours de judo sont offerts à la salle municipale de Johnville du 9 février au 13 avril. Inscription avant le 9 février. Informations et inscriptions auprès de Denise et Robert Chaussé, 837-0154.